doit-elle s'en remettre au contrôle des machines pour son confort et son bonheur, au prix de sa liberté? Alors, que souhaitez-vous le plus? Croyez-vous possible d'avoir les deux? Juste après le journal, je ne vous apprends rien, vous avez rendez-vous avec Sonia Chironi pour Un Monde Nouveau. Bonjour Sonia, de quoi vous allez nous parler aujourd'hui ? Bonjour Frédéric, ce soir on va parler de la conquête spatiale avec Michel Tonini, l'un des 10 Français à être allé dans l'espace. Et on reçoit la chanteuse béninoise Angélique Kidjo qui va nous interpréter en live dans le studio un extrait de son dernier album Mother Nature. France Inter.